En ce moment même, le baron Hulot quittait les bureaux de la guerre et se rendait au cabinet du maréchal, prince de Wissembourg, qu'il avait fait demander. Quoiqu'il n'y eût rien d'extraordinaire à ce que le ministre mandât un de ses directeurs généraux, la conscience de Hulot était si malade qu'il trouva je ne sais quoi de sinistre et de froid dans la figure de Mitouflet. « Mitouflet, comment va le prince ? » demanda-t-il en fermant son cabinet et rejoignant l'huissier qui s'en allait en avant. « Il doit avoir une dent contre vous, monsieur le baron, » répondit l'huissier, « car sa voix, son regard, sa figure sont à l'orage. » Hulot devint blême et garda le silence. Il traversa l'antichambre, les salons, et arriva, les pulsations du cœur troublées, à la porte du cabinet. Le maréchal, alors âgé de 70 ans, les cheveux entièrement blancs, la figure tannée comme celle des vieillards de cet âge, se recommandait par un front d'une ampleur telle que l'imagination y voyait un champ de bataille. Sous cette coupole grise, chargée de neige, brillaient, assombris par la saillie très prononcée des deux arcades sourcilières, des yeux d'un bleu napoléonien, ordinairement tristes, pleins de pensées amères et de regrets. Ce rival de Berdanotte avait espéré se reposer sur un trône, mais ses yeux devenaient de formidables éclairs lorsqu'un grand sentiment s'y peignait. La voix, presque toujours caverneuse, jetait alors des éclats stridents. En colère, le prince devenait soldat. Il parlait le langage du sous-lieutenant Cotin. Il ne ménageait plus rien.